Les chants phonatoires par Éric Aracine. Fiction paradis, chante la joie au contact des roses, allongée sur le mausolée des amants maudits. Plissement des lèvres, charnel désarroi du récit. Par la grâce de l'urgence, célèbre la beauté d'une immédiate jouissance. Tu poétises sans cesse. Tu poétises à géométrie variable, un court instant, prenant pour modèle les strates sonores des radios FM. Polyphonies anciennes de certains chants qui remontent les courants des pavillons acouphènes, la sourdine est de mise sur l'enceinte sans voix. Pour que nous puissions goûter au hasard d'une vie toute expérience presque achevée, l'appétit des années admirablement savouré l'impensable, vous obtiendrez des senteurs surannées, un bouillon nostalgique assaisonné des épices du temps qui parfument nos peaux flétries, dates incertaines, dépassées, une occasion de s'étendre ou s'étreindre éperdument. S'affaler tout simplement sur sa couronne de laurier. Parenthèse admirable de cette pente abrupte, plongeant vers le gouffre des promesses non tenues. Une seule issue, le trou dormant, cette sourde fosse qui déborde sur la toile, où se retrouve ce cortège de regards qui scrute le rien. Triste arrogance et faux chagrin, annonçant une fin de saison pluvieuse. On est bien d'accord, la partie est remise. Il nous faut écouter les champs et les campagnes. Admirable résonance de la terre pétrie de sonorités incertaines, assieds-toi simplement et regarde-les pousser, ces arbres. Car, assurément, derrière chaque jardin se cache un paradis dont personne n'ose avouer la secrète présence. Sur ces murs édulcorés par l'enfance capricieuse, aux motifs ternis d'une chambre d'automne, où résonnent encore les pas du père absent, la toile de Jouy vibre d'une dernière danse aux lueurs radieuses, pour se fondre dans les feuillages de la tête de lit, corrodés par les pluies ou les larmes acides, qui brouillent tout regard rétrospectif. Qu'advienne la tendresse aux odeurs de charbon et de bois brûlé, reflet du coron dans la flaque souillée par l'urine des chiens qui terminent leur course à la cime d'un terril. Ici se termine Les chants phonatoires par Éric Aracine. Illustration musicale de Pascal Mencarelli. Esquisse. Enregistré par Christiane Johan sous licence CC BY NC ND.